Okay. Yo. Aujourd'hui, je feel good. Don't worry, be happy, je suis dans un mood. Oublie tes soucis, vas-y, souris, toi tu boudes. Rampons les marches de ta vie pourrie, j'ai un smile de fou. Descends dans la rue dans mon baggy aujourd'hui. Cool, Bob Marley with Beto. Un camis sous exo, mille têtes de dodo. Tu connais ma passion pour le son. Et dans nos pilos, la seule idée derrière ma tête, c'est un pilo. Aujourd'hui, je file joyeux, trop de soleil. J'ai mal aux yeux, mais c'est pas grave. En sunglasses, je suis adorable. Alors je sors de chez moi, kiffer la life et faire des envieux. Toi, tu baves. Au-dessus de toi, c'est plus vieux, mais les plus vieux font plaisir. Garde sourire, ils ont bien vécu. Certains qu'ils peuvent mourir, mais les plus jeunes se bagarrent puis se marrent. Ils ont le temps de voir venir. Yeah, aujourd'hui je feel good. D'ordinaire spécialiste en sourire triste, aujourd'hui j'ai décidé de diversifier l'activité grâce à laquelle je vis. Professionnel sourire, aujourd'hui je feel happy. I am the smile, c'est l'heure, t'en veux plus. Tes horizons, c'est là, y en a un peu plus. Ma petite dame, je vous le mets ou pas. Des sourires, j'en ai des tas, t'as plus qu'à faire ton choix. Je t'offre le prochain, je t'en prie, vas-y, serre-toi. Consomme sans modération, car sourire fait vivre, écoute mon son. Et soudain tu es ivre, pas besoin de bourbon. Ça y est, tu te sens libre, et là tu fais des bons. C'est bien, tu commences à suivre. Ouais, tu commences à suivre. Yeah. Thank you. happé pour les meufs et le cash. Il en faut, mais là je te parle pas de monnaie. Nada, je te promets que même pour une bonne paire de surf et plein de haches, c'est faux, je veux pas me cartonner. Des bagarres donnés, je suis un type tout doux. Je ne frappe pas mes caresses, voilà que ma paresse, mes rapes t'as réparé, ça ce qui paraît, je suis fou. J'ai de la malice, mais pas de ralice, m'en fous, je veux juste ma mise. Je rappe pour le love, je suis même pas anti-police. Y'a des CRS pacifiques et des condés pacifiques, que ça je rappe, je te sauve, Mimi saute dans ton crâne profond, dans ton cœur je glisse. Je rappe pour le love, peace. Je rappe pour le love, peace. Sache une chose, pour dormir ma nièce, il faut que je lâche une dose de qualité. Peut-être que tu bouges à la tête ou autre chose, mais quand je vais lâcher ma prose, tu vas t'agiter. Et c'était pourtant pas ça l'idée. Fatalité, je crisais quand ça a tilté au lieu de salité, jusqu'à ce que par un pas t'as kické. Yo, je vais danser les vieux et dormir les enfants surexcités.